chérie, quand sur lui t'as vomi. Il t'a dit, donne-moi un mouchoir. Si tu ne sais pas, il faut pas boire. Mais quand il s'est tapé une prostituée, t'as pu venir me retrouver. Et voilà, quelle belle déclaration express. Oh, là, quelle belle déclaration. C'était bien. Qu'est-ce que tu en as pensé, Émilie? Est-ce que tu es tombée sous le charme? Émilie? Émilie? Ah oui, c'est normal. Bah si, elle s'appelle Émilie. Ah, oui, s'appelle Émilie. Allô, Émilie? Mais je crois qu'elle est un petit peu choquée, hein, on le serait tous. Émilie? Eh oui, Émilie a préféré. Ah, bravo, là, bah, regarde la pauvre, la meuf, elle s'est barrée, tiens. Ah, forcément, elle avait ses paroles. Ah, ouais, bah oui, putain, c'est dommage. L'homme qui a mal à la gorge, je me demande, Célone, quand il n'a pas mal à la gorge, hein, parce que tu bah, transpires quand même sur la voix. Il transpire un peu moins quand il n'a pas mal à la gorge. C'est violent. Ah oui, là, bah, tu très, très chaud. Là, il est trempé, hein. Je dirais Barry White. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Bon, bah, on a perdu Émilie, c'est dommage, on va quand même essayer de la rappeler en antenne pour voir si. Si elle a aimé. Bah ouais, si elle a trouvé ça bien, pas bien, bref, qu'elle nous en dise un petit peu plus quand même. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. On va donc téléphoner maintenant, donc, puisque depuis tout à l'heure tu, bah, tu appelles des gens en fait tout simplement pour l'after. J'organise, non, c'est une after Facebook hein, qui a été lancée. Et donc bon bah moi j'y vais quoi. Et je veux aller chez les gens. Mais oui, t'as bien raison. Mais oui, mais bien sûr, effectivement. Donc il appelle pour faire croire aux gens qu'effectivement c'est un vide tourne sur Facebook tout simplement. Voilà. C'est un simple que ça. Non, mais c'est parce que ça arrive de plus en plus aux gens d'organiser un petit truc chez eux vite fait. Et en fait ils se retrouvent avec 2000, 3000, 4000 personnes qui arrivent comme ça. Ah bah on a vu l'invite, on s'est invité. Oui, sauf que là ils ont rien mis sur le Facebook quoi. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est aussi bien. C'est comme le dit Fatal. Hein, oui, ce matin ça va être une pure soirée, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, on appelle où là? On a appelé à Verviers tout à l'heure, Bertry aussi. On va appeler à Reims. À Reims? Oui, Reims. Ok. Parce que j'en ai un petit goût dans la bouche. Allez, Reims, c'est parti. Alors on y va, on appelle. Je te remercie d'avoir rigolé ça. Normalement, là, il devrait être réveillé à 9h. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Écoute, il a bien hésité, mais. Ça décroche pas là. Non, c'est parti en boulot. Oui, ou dorme, hein, ça c'est. Oula. Allô. Wouh. Salut, ça va? Allô. Oui, wouh. Allô. Ouais, je t'appelle pour l'after party là. De quoi? L'after party là, on a vu l'annonce sur Facebook et tout, on sortait de boîte, on s'est dit c'est cool, on arrive, on va chez toi. Mais qu'est-ce que c'est de vous? Bah, je suis teuf. Attends, tu m'as envoyé une invite Facebook. Alors moi je viens. Bah, vous vous trompez, mais pas du tout. Du tout, c'est pas Facebook, quoi. Pas du tout, on sait bien que c'est chez toi. Et je voulais savoir, parce que nous, là on est over défoncé sous Exta, je voulais savoir si t'avais de quoi se refaire un peu la cloison nasale en arrivant. Tu vois mais ce que je veux dire vous? Bah, je suis tough. Qui? Mais tough. Tom, hein? Bob. Voilà, bon. Oh, écoutez, laissez-moi tranquille. Je suis une vieille femme et je n'ai pas de Facebook et je n'ai communiqué avec personne. Ah, attends, t'organises une soirée après, tu veux plus qu'on vienne là? Ah, c'était mal à paix, hein. Attends, nous on est chaud là. Ah ouais, bah pas l'air très très très chaud au final quand même. Ah, je suis très déçu. Pauvre petite dame. Oui, oh la pauvre. Ah, hein. Quoi? Oui, la pauvre. Oui. La pauvre. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier? Écoute Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Bon, et 7h47, on va donc écouter maintenant la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin à 7h-15, 8h-15 et 9h-15, les meilleurs messages qui ont été laissés par les plus grands relous de Belgique.